À l'occasion du 69e anniversaire de la conférence conjointe des représentants des partis politiques et des organisations sociales de Corée du Nord et du Sud, proposée et présidée par le président Kim Il-sung, Pang Myung-chol, président et chef du secrétariat du comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie, a lancé le 19 une communication qui note entre autres. Après la libération du pays, le président Kim Il-sung a pénétré la conspiration des impérialistes américains occupant la Corée du Sud pour la division du territoire et le danger de leur démarche pour la division perpétuelle par l'instauration d'un gouvernement fantoche. Pour prévenir la division du pays, il a pris l'initiative d'organiser une réunion consultative politique pan-nationale et s'est efforcé dynamiquement pour y parvenir. L'initiative patriotique du président a joui du soutien absolu de tout le peuple coréen et ainsi s'est tenue avec succès du 19 au 23 avril de l'an 37 du Juche 1948 à Pyongyang, la conférence conjointe du Nord et du Sud sous la participation de 695 représentants des 56 partis politiques et organisations sociales du Nord et du Sud. La conférence conjointe présidée par le président Kim Il-sung a été un grand rendez-vous historique ayant uni toute la nation coréenne sous la bannière de réunification et de patriotisme et le résultat de la ligne du président en matière de réunification nationale indépendante et de ses idées en faveur de la grande union nationale. Les idées et exploits des grands leaders sont continués à merveille aujourd'hui par le dirigeant suprême Kim Jong-un, guide de la réunification nationale. Tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora sont appelés à tenir plus haut la bannière de la Grande Union Nationale et à faire réussir à coup sûr le grand rendez-vous pan-national pour la réunification en réunissant l'amour de la nation et la volonté pour la réunification afin d'ouvrir la grande voie de réunification indépendante.